Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 106. De la reconnaissance. En quoi la reconnaissance se distingue des autres vertus? Ceux qui sont tenus par-dessus tout à la reconnaissance, à qui est-elle due? Règle à suivre. Est-il convenable qu'elle surpasse le bienfait reçu? 1. La reconnaissance est-elle une vertu spéciale, distincte des autres? Nous l'avons dit, autant nous avons de dettes spéciales à payer, autant il y a de vertus particulières pour les acquitter. Nous sommes redevables à Dieu, premier principe de tous nos biens, à nos parents, second principe de notre existence et de notre éducation, aux hommes revêtus de dignité, principe des bienfaits généraux de la société, enfin, à nos bienfaiteurs, qui nous rendent des services personnels et particuliers, d'où naissent pour nous des obligations spéciales. C'est pourquoi, après la religion qui rend le culte à Dieu, après la piété filiale qui honore les parents, après le respect qui révère les dignitaires, vient, comme vertu spécialement distincte de celle-là, la reconnaissance qui rend grâce aux bienfaiteurs. Note. La reconnaissance se distingue de la religion comme le dernier se distingue du premier, par défaut d'égalité. La religion est la reconnaissance à sa plus haute perfection. Fin de la note. 2. L'innocent est-il plus tenu que le pénitent de rendre grâce à Dieu? Plus le bienfait est grand, plus la reconnaissance doit être vive. Or un bienfait peut être supérieur à un autre pour deux raisons, parce qu'on donne davantage, et parce qu'on donne plus gratuitement. Sous le rapport de la quantité de la grâce, l'innocent doit à Dieu plus de reconnaissance que le pénitent. Toute chose égale d'ailleurs, Dieu lui fait un don plus grand et plus continu. Sous le rapport de la gratuité, le pénitent, au contraire, est tenu à plus de reconnaissance, Dieu lui fait un don plus gratuit, en lui accordant la grâce, au lieu de la peine qu'il mérite. Note. Dans les actes humains, on doit considérer les choses relativement à nous plutôt qu'absolument, donc le pénitent est tenu de rendre à Dieu plus d'actions de grâce que l'innocent. 3. L'homme doit-il des actions de grâce à tous ses bienfaiteurs? Saint Paul écrit, « Rendez grâce en toutes choses. » 1 Thessaloniciens 5, 18. Les effets reviennent naturellement à leur cause, Dieu. Dit Saint Denis, fait converger tous les êtres vers lui, parce qu'il est la cause de tous. Il en doit être ainsi, les effets sont toujours coordonnés à la fin de l'agent, le bienfaiteur étant, comme tel, la cause de son protégé, l'ordre naturel exige que celui-ci se retourne vers lui pour le récompenser par des actions de grâce proportionnées à leurs conditions réciproques. Ici sont applicables les principes émis ailleurs au sujet des rapports du Père et du Fils, le bienfaiteur, comme principe de la personne obligée, a droit à l'honneur et au respect, et, quand il est dans le besoin, à des soins et à une subvention. Note. S'il a manqué aux convenances, on lui doit encore de la reconnaissance, quoiqu'on ne lui en doive pas autant, le bienfait étant moindre. Quant à celui qui ne procure notre avantage qu'en pensant à lui-même, on peut le mettre au rang du fermier qui engraisse ses troupeaux, dit le philosophe, mais, dès que quelqu'un pense à nous et à lui tout à la fois, nous serions injustes et ingrats si nous n'étions pas heureux de l'avantage que lui procure notre bien. N'appelez bienfait que ce qui nuit à son auteur, ce serait le comble de la malignité. Nous devons de la reconnaissance à nos serviteurs pour tout ce qu'ils font au-delà de leurs obligations. Les travaux qui dépassent ce que l'on exige ordinairement d'eux sont autant de bienfaits. Chez les pauvres, la compensation du bienfait s'accomplit surtout par les sentiments. Recevoir un bienfait avec gratitude, dit Sénèque, c'est en payer le premier terme. Les pauvres s'acquittent par la rétribution de l'honneur, les riches par la rétribution du lucre. Il y a pour les indigents, dit encore Sénèque, plusieurs manières de payer la dette de la reconnaissance, le conseil fidèle, les visites assidues, les paroles aimables sans adulation. Fin de la note. 4. La compensation doit-elle se faire sur le champ? Celui qui se hâte de rendre un bienfait, a dit Sénèque, c'est payer une dette, il ne sait pas être reconnaissant. Le bienfait veut être compensé sur le champ par les sentiments du cœur, mais la compensation réelle par action doit se faire dans le temps le plus avantageux pour le bienfaiteur. D'où le même philosophe conclut, pour vous acquitter d'un bienfait, recevez-le d'abord de bonne grâce et avec reconnaissance, si vous le payez trop tôt, vous êtes un débiteur qui doit à regret, et partant un ingrat. 5. La compensation doit-elle se mesurer sur l'affection du bienfaiteur ou sur la valeur du bienfait? Quand la compensation est une dette de justice, comme dans le prêt et les transactions semblables, elle doit se mesurer sur la valeur de l'objet reçu. Quand elle est une dette morale imposée par l'amitié, c'est la nature même de l'amitié qui lui trace sa règle. L'amitié a-t-elle pour base l'utile? La compensation se mesure sur l'avantage qu'on a retiré du bienfait. L'amitié repose-t-elle sur l'honnête? La compensation doit suivre l'intention affectueuse du donateur. Là surtout est la vertu de la reconnaissance, qui considère avant tout la gratuité dans le bienfait reçu. Note. Sénèque, après avoir dit, un léger service rendu de bonne grâce, un faible présent donné d'une façon généreuse, nous oblige souvent plus qu'un bienfait considérable, ajoute, le bienfait consiste dans les sentiments de celui qui fait ou donne une chose, et non dans la chose faite ou donnée. Cela est vrai, mais il faut dire aussi que, communément, nous connaissons l'affection de notre bienfaiteur par les signes qui la manifestent, c'est-à-dire par la manière dont il nous oblige, par le zèle qu'il met à nous secourir, par la joie que lui cause le bien qu'il nous fait. Fin de la note. 6. La compensation doit-elle surpasser le bienfait reçu? On doit acquitter la dette du bienfait, disait Aristote, et l'acquitter encore, en allant au-delà. Le bienfaiteur a été louable en ce qu'il a donné gratuitement, sans y être nullement obligé. Celui qui a reçu le bienfait doit aussi, par devoir d'honnêteté, faire quelque chose de gratuit. Or, tant qu'il donne moins ou seulement une chose égale, il ne fait rien gratuitement, il rend ce qu'on lui a donné. La reconnaissance doit donc, autant que possible, surpasser le bienfait reçu. Note. Pour satisfaire à ce devoir, la volonté suffit à celui qui ne peut pas faire davantage. Markandanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.